merci, ça fait chaud au cœur. Tiens, je vais jouer une petite vieillerie de mes premiers albums. On va faire un petit tour de vous passer. C'est bien, s'il n'y a plus trop de place, ça va, c'est bien, vous avancez sur la scène, ça va être de la place pour derrière. On arrive au monde. Thank you. Dijon ce soir, ça fait plaisir. Ok, celle-ci s'appelle l'Art of War. Yeah. moi les amis. Ça fait plaisir d'être à la maison. Ça va toujours ici ou quoi? Des petits reportages et tout, des tournées. Et j'aimerais que vous fassiez un maximum de bordel pour que je monte dans mon report. Comment c'est tout,